côté pour l'éternité. Être brisé par les écritures, offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Car je sais comment. Je sais comment. Attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment. Je sais comment. Trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Nous t'adorons, Seigneur, et nous sommes à toi pour l'éternité. Alléluia.